بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل قراءتنا في كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعض توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة في النقطة في النقطة الثالثة عند قوله ثالثا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله من الصفات يعني يقول هذا على حسب كلامهم على حسب كلام المعطلين لصفات الله عز وجل على حسب عقيدة أهل التعطيل فكأنهم يزعمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة هذا الدين فهم مقصرين أو مقصرين فهم قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات لماذا يقول هذا المصنف؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه من الخلفاء الراشدين وسلف الأمة لم يبينوا معاني الصفات بتحريفها بمعنى لم يحرفوا معاني الصفات وفهموها على ظاهرها وفهموها على ظاهرها يعني لم يقولوا معنى الاستواء كذا وكذا بمعنى أنهم أولوا كلمة الاستواء لكن فهموا الاستواء على ظاهرها ولهذا الذي يدل على أنهم فهموا الاستواء والاستواء صفة من صفة الله عز وجل لأن الله عز وجل في كتابه أخبرنا بأنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يؤول معنى الاستواء وأصحابه لم يؤولوا معنى الاستواء وأخذوا الاستواء وهذه الآيات التي فيها ذكر الاستواء على ظاهرها على ظاهرها وفيما بعد مع الوقت وزمان القرون فظهر أناس شرعوا وبدأوا أخذوا يؤولون صفة الله عز وجل وقالوا الاستواء بمعنى استولى وقالوا الصفات كذا بمعنى كذا وكذا فقال المصنف là je suis obligé de bien clarifier cela pour bien qu'on puisse comprendre la suite de ce que dit le Moussanif sinon on peut pas comprendre puisque là je reprends on va reprendre sans plus attendre et comme je reprends pour qu'on puisse avancer dans le texte donc on fait pas de révision aujourd'hui pourquoi parce que si on fait une révision on est obligé de reprendre tous les points qu'on a pris or on est arrivé si je me trompe pas on s'est arrêté au troisième point Parmi les arguments de l'auteur, par contre, ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier, qu'est-ce que l'auteur nous enseigne ? L'auteur nous enseigne que le fait d'avoir interprété, qui considère le fait d'avoir falsifié le sens des attributs d'Allah Azza wa Jal, que cela n'est pas permis. Pourquoi ? Al-ulama, qadiman wa hadithan, n'ont pas accepté l'interprétation des attributs d'Allah Azzawajal. Et ils ont enseigné depuis les premières générations de les comprendre selon le sens apparent du texte. On les évoque comme ils sont évoqués dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce qu'il ne nous est pas rapporté du prophète ni de ses compagnons qu'ils aient interprété le sens des attributs d'Allah Azza wa Jal, dans le sens de donner un autre sens que ce qui apparaît par rapport au sens apparent, ce qui apparaît par rapport à l'apparence du texte. Donc, lorsque les versions ont été révélées, par exemple, qu'Allah, Ar-Rahmanu, ala l'arsh istawa, s'est élevé au-dessus de son trône. Lam yu'awwilu, ils n'ont pas interprété le sens de l'istiwa. Il ne nous est pas rapporté cela. Donc maintenant, vous allez comprendre ce que dit l'auteur. Pour cela, l'auteur, il dit, celui qui plus tard vient, c'est pour ça que je suis obligé de reprendre cette explication-là pour reprendre le fil du sujet, ce que dit l'auteur, sinon on ne va pas comprendre ce qu'il dit. Dans le troisième point, il argumente sur le fait qu'on ne peut pas falsifier, on ne peut pas changer le sens. Enfin, lorsqu'il parle de falsification, pourquoi ? Parce que l'auteur considère qu'interpréter les textes d'attributs, je dis bien « ayat al-sifat ». Là, on est en train d'apprendre ce qu'on appelle « ayat al-sifat ». Il considère que interpréter « ayat al-sifat », c'est du tahrif. C'est de la falsification. Pour ça, il dit cela. Pourquoi ? Parce qu'il, justement, il évoque différents points. Et parmi ces points, il dit « celui qui yu'attil » وهو من أهل التعطيل تعطيل صفة الله عز وجل ويعطل بمعنى أنه لا يثبت صفة الله عز وجل سواء كان الأسماء أو الصفات فقال بمعنى إذا عطل الصفات بمعنى أنه يزعم أن خلفاء الراشدين وأصحابه يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة وإمتها كانوا قاصرين ومقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. Dans ce point-là, le troisième point, il dit donc celui qui nie les attributs du Créateur comme ils sont mentionnés dans les versets, ou bien dans la sunna du prophète, sallam, alors c'est comme si qu'il considère, c'est comme si il prétend ici que les compagnons du prophète, par exemple, et les pieux prédécesseurs, les premiers, ceux qui nous ont précédés dans les premières générations, et les grands imams de cette nation, c'est comme si ils ont eu un manquement. C'est comme si eux, ils ont été muqassirin dans le sens, ils ont eu une déficience dans la connaissance et dans la clarification en ce qui concerne le domaine des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que eux n'ont pas interprété et donné ces sens-là que eux plus tard vont donner. Qu'est-ce qu'on comprend ? Si, par exemple, plus tard apparaissent un qawm, des gens, et ils disent « Marna al-istiwa bi-kada wa kada ». Par exemple, ils disent « Al-Rahman al-Arsh istawa ». Plus tard apparaissent des gens, ils vont dire « Al-istiwa, son sens c'est istawla », par exemple. Le sheikh ici, Al-Musannif al-Kitab, il dit, il les interroge, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-istiwa bima'na istawla? Est-ce que c'est le prophète sallallahu qui a dit que al-istiwa c'est dans le sens de istawla, dominer? Non. Est-ce que hada at-ta'wil, cette explication là, c'est les compagnons min al-khulafa ar-rashidin qui l'ont donné? Non. Est-ce que les grands imams dans les générations précédentes, depuis les premières, ont donné le sens de cet istiwa? Non. Donc l'auteur veut dire, donc si eux, lam yubayyinu, Ils n'ont pas clarifié cela. Ils n'ont pas mis en exergue cela. Ils n'ont pas enseigné cela. Alors ça veut dire qu'ils ont été déficients selon leurs prétentions. C'est-à-dire que eux connaissent quelque chose. Soit ça veut dire que eux, plus tard, ils vont connaître quelque chose que dans les premières générations, les compagnons n'ont pas connu. Wahada, c'est Moumtaner. Ce n'est pas possible. Ou bien, ils disent s'ils savaient, mais là, on leur pose la question, Walimada lam yubayinu. Pourquoi n'ont-ils pas clarifié cela? Alors, ça sous-entend quoi? Bimarna annahum muqassirun fi ma'rifati wa tabyini al-haq. Ça sous-entend donc qu'ils auraient été déficients, ils ont eu un manquement dans la clarification du bien s'ils le savaient. Donc il y a deux cas. Soit les compagnons et les grands imams dans les premières générations ne connaissaient pas ce que des gens vont apparaître plus tard. Par exemple, ils vont dire que Al-Istiwa Bimarna dominait. Les compagnons l'ont-ils dit? Non. Alors là, on interroge. Est-ce qu'ils ne le savaient pas? S'ils disent non, ils savaient. Donc on leur dit, donc ils ont eu un manquement, ils ne l'ont pas enseigné. Pourquoi n'ont-ils pas enseigné cette chose-là? En fait, si c'était Al-Istiwa Bimarna Staoula, les compagnons leur ont enseigné. Et avant les compagnons du prophète, le prophète aurait enseigné que Al-Istiwa Bimarna Staoula. Mais si le prophète lam yubayyin wa lam yu'allim wa lam yu'awwil al-istiwa bima'na staula bima'na annana la yajuzu lana an nufassil wa an nubayyin wa an nu'awwil bi anna al-istiwa bima'na al-staula la yajuz lana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yaf'al. Donc il n'est pas permis pour nous de l'interpréter de cette manière puisque le prophète sallam ne l'a pas fait. Donc ça c'est résumé du troisième point pour qu'on puisse avancer. Donc, vous vous rappelez, on s'est arrêté sur ça. Taïb. Si on continue dans leur thèse de la négation des attributs divins et dans l'interprétation des sens, et c'est-à-dire de ne pas prendre le sens apparent. Qu'est-ce que ça veut dire le fait de ne pas prendre le sens apparent? Il dit Rabi'an, من عطل الصفات ولم يثبت صفة الله سبحانه وتعالى بمعنى أن عنده كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة الرسالات وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيلهم التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. Le quatrième point, si en ce qui concerne les versets d'attribut, si on ne prend pas le sens apparent des textes et on nie les versets d'attribut, alors ça veut dire que dans notre conviction et dans nos croyances, notre référence n'est pas la parole du Créateur et la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour bien comprendre, pour faire très simple, pour que vous compreniez, mais je pense que la majorité d'entre vous, vous l'avez compris. Pourquoi? Écoutez bien. Pourquoi l'auteur parle de cela? Parce que historiquement, dans le monde musulman, dans les premiers siècles de l'islam, est apparu un peuple. Là, je vous le fais historiquement pour que vous compreniez mieux. Et donc, écoutez bien, même pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes, Inch'Allah, écoutez bien, parce que ceux qui écoutent, ils ne vont pas comprendre, ceux qui viennent de nous rejoindre. Écoutez bien. Après l'époque des compagnons, on a l'époque, après l'époque du prophète, il y a l'époque de Al-Khulafa, de ses successeurs, Al-Khulafa Ar-Rashidun. Ensuite, on a l'époque de Zaman al-Tabi'in. On a l'époque des successeurs. Donc, il y a eu les successeurs du prophète, sallam, Zaman al-Sahaba. Eux, c'est Al-Khulafa Ar-Rashidun. Après l'époque de Al-Sahaba, on a l'époque des successeurs. Des compagnons, c'est-à-dire des suiveurs de leurs disciples. L'époque Zaman al-Tabi'in. Ce qu'on appelle Zaman al-Tabi'in. وَعَلَى رَأْسِهِمْ الْإِمَامِ سَعِيد ابْنُ الْمُسَيِّبْ وَالْإِمَامِ الْحَسَنُ الْبَصْرِي مَثَلًا. Et parmi les grands leaders de l'époque des Tabi'in, on a par exemple Sa'id ibn al-Musayyib, on a al-Hasanu al-Basri, al-Hasanu al-Basri. Donc regardez bien, on a l'époque du prophète sallam et on a l'époque des compagnons. Ensuite on a l'époque de Tabi'in. Ensuite on a l'époque de Tabi'in, de ceux qui ont suivi les Tabi'in. Le temps avance et des gens, un peuple apparaît parmi les musulmans. Un peuple apparaît parmi les musulmans, ils lisent le Coran. Et là, que ce soit dans leur lecture du Coran ou que ce soit dans leur débat religieux, dans leur compréhension, dans la croyance, ils commencent à avoir un débat au sujet d'Allah. Ils voient que dans le Coran, Allah dit « Wa kallama Allahu Musa ». Takliman, Allah a parlé à Moussa. Il voit des versets où Allah dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Il voit des versets Wa ja'a Rabbuk, et ton Seigneur est venu. Il voit le hadith du prophète sallam, Inna Allah yanzilu, Allah descend fi akhir al-layl, à la fin de la nuit, ila sama'i dunya, au premier ciel. Ila akhiri. Et d'autres textes comme cela. Ça, c'est des, ce qu'on appelle ayat al-sifat. C'est des textes d'attributs. Donc, ils ont commencé à discuter. Même arna al-istiwa. Quel est le sens de l'istiwa? Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Ils voient qu'il y a des versets Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ça, c'est des noms. C'est des noms. Alors, dans les premières générations, comme je vous ai dit précédemment, un peuple apparaît et un homme, surtout, à leur tête apparaît. Il s'appelait Ja'ad ibn Dirham. Cet homme, Ja'ad ibn Dirham, lorsqu'il est apparu, il a dit « C'est pas possible. Allah, il n'a pas de nom. Laysa lahu asma. Wala sifat. » Donc pour lui, Allah Azza wa Jal, il n'avait pas de nom. Hadha ar-rajul mat. Cet homme ensuite décéda. Cet homme est décédé. Lorsqu'il est décédé, il avait un disciple. Son disciple, son élève s'appelait Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan a repris cela, il a dit Ayn Aram. Il commença à débattre, à spéculer. Fidatillahi Azza wa Jal, et a parlé sur le Créateur sans savoir. Et donc il a nié les noms, les attributs. Plus tard, un autre peuple apparaît. Vous avez vu, lorsque je dis Qaum, un autre peuple, d'autres gens apparaissent. Et ils débattent sur le sujet de l'asma wa sifat. Ils voient les versets, les hadiths, Ar-Rahman, ala al-Arsh istawa. Par exemple, ils voient Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Wadud, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Asma'ullahi Azza wa Jal. Donc ils ont dit Naram, Lillahi Al-Asma, comme Allah dit dans le Coran, Lillahi Al-Asma'ul Husna, Fadu'uhu Biha. Allah détient les plus beaux noms. Donc ils ont dit, eux ils ont débattu avec eux, ils ont dit non, Allah lahul Asma. Allah a des noms, mais par contre il n'a pas de sifat, il n'a pas d'attributs. Donc là, on est face à un deuxième courant de pensée, une deuxième secte qui apparaît dans les premiers temps. Les premiers viennent, Allah n'a pas de nom, n'a pas d'attribut. D'autres viennent débattre avec eux, un autre peuple apparaît, parmi les musulmans. Hein, et ils disent, non, Allah a des noms, mais pas d'attributs. D'autres viennent plus tard débattre sur ce sujet. Donc je le fais rapidement, puisque Indan Alhamdoulilah barre de Shabab, pour qu'ils se comprennent, Inch'Allah, et Talir. Si on ne parle pas de Talir, on ne va pas comprendre le sujet. Pour que les plus jeunes comprennent de quoi on parle et que c'est très important. Un autre peuple est apparu, et eux, ils vont émettre une croyance dans leur débat qui va se répandre dans le monde musulman. Dans le monde musulman. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, et à certaines périodes, ça a dominé le monde musulman. Jusqu'à ce qu'une grande majorité dans les pays musulmans ont adopté cette croyance en ce qui concerne les attributs. Un autre peuple apparaît, eux ils vont dire non, lillahi l'asma wa lillahi as-sifat. Allah a des noms, wa lahu sifat, et Allah a des attributs. Et ils vont répondre au premier. Ceux qui niaient les noms et les attributs, ils vont leur répondre et vont les réfuter. C'est yarduna alayhim bil kalam wa bil qalam wa bil kitab bil kitaba. Ils vont réfuter. Ils vont dire non, Allah il a des noms, il a des attributs. Fasayuthbituna al-asma wa sifat. Et alhamdulillah, ils vont affirmer les noms et les attributs. Jusque là, alhamdulillah, ils vont affirmer. Masha'Allah. Sauf, dans les débats ensuite, ils vont dire nuthbit, différemment des autres. Nuthbit, c'est-à-dire on affirme. Eux, les premiers, avec qui ils débattaient, refusent. Ils nient. C'est ça ce qu'on appelle ahl al-ta'til. Eux, ils vont affirmer. Jusque-là, alhamdoulilah, ils affirment. Sauf qu'ils vont arriver dans le débat à dire, par contre, on affirme, mais le sens de l'istiwa, kada wa kada, c'est tel et tel sens. Et là, ils vont commencer à donner des sens. En fait, ils vont commencer à interpréter les sens. Et c'est là que, depuis les premières générations, les grands érudits savants et les grands théologiens, les grands savants musulmans sont rentrés dans les débats. Question. Fallait-il rentrer dans le débat ou non? Qu'est-ce qu'il me répond? Fallait-il rentrer dans le débat ou non? Naam, pourquoi? Parce que si dans les premières générations, les grands savants musulmans n'étaient pas rentrés dans le débat. Li yubayyinu aqidat ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa bayyana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-aqaid wa ma bayyana as-sahaba min al-aqaid idha kana lam yaf'alu al-ulama fi qadim az-zaman wa hadith az-zaman. Aujourd'hui, on croirait quoi? C'est les savants dans les premières générations. Vous vous rendez compte? Allah Azza wa Jal fi kitab al-karim, il nous dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Allah détient les plus beaux noms, فَدْعُوهُ بِهَا. بِمَعْنَا عِنْدَمَا تَدْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ تَقُلْ يَا كَرِيم يَا كَرِيم أَكْرِمْنِي يَا وَدُود يَا الرَّحْمَن ارْحَمْنِي يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تَدْعُوا اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ فهؤلاء في قديم الزمان بينوا ونشروا للناس أن ليس لله أسماء قالوا مستحيل كيف له أسماء حتى قال جعد ابن درهم قال إبراهيم عليه السلام الرسول النبي نبي الله إبراهيم قال جعد بن درهم قال ليس خليل الله. Je sais ce qu'il a même dit, que Al-Khalil, le prophète Al-Khalil, il a dit ce n'est pas Khalil. Je reste sur le terme en arabe, parce qu'en français, c'est souvent mal traduit. Khalil Allah, vous comprenez tous, Khalil Allah. Il a dit pourquoi Allah n'a pas de Khalil. Vous savez pourquoi il réfutait qu'Allah a un Khalil? Parce que min sifat Allah azza wa jal, annahu yuhibb al-ibad. Allah aime ses serviteurs. Lakin haoula qalu Allah laysa lahu sifat. Donc ils n'ont pas affirmé qu'Allah aime. Puisque As-Sifat, c'est quoi? Ils ont dit Allah la yitkallam. Allah la yastawi ala arshi. Allah lam yaf'al kada wa kada. Wala yuhib. Wala yarda. Wala kada. Wala kada min sifatihi. Subhanahu wa ta'ala. Fahawla sammuhum al-ulama. Et les savants, lorsqu'ils sont apparus, ces gens, ils les ont appelés le mu'attila. Mu'attila, ahl al-ta'til. عطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته. Ils ont nié, عطلوا الأسماء والصفات. جاءوا قوم ثاني. قالوا نثبت الأسماء لله عز وجل. أي نعم له أسماء. ولله الأسماء الحسنى. فأثبتوا الأسماء. لكن عطلوا الصفات. فالأولون, la première tendance, les premiers, سموهم العلماء الجهمية. Les premiers qu'on a dit, ceux qui ont nié les noms et les attributs, Allah les ont appelés, pardon, les savants les ont appelés Al-Jahmiya. لأن هؤلاء من أتباع جهم جهم جهمية جهم نسبوهم إلى جهم ابن صفوان الجهمية وإلا فالأول الذي تكلم في هذا الباب هو جعد بن درهم وجهم بن صفوان هو كان تلميذ لي جعد ابن درهم ثم ظهر فرقة ثانية في باب الأسماء والصفات الذين أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات. Ensuite est apparue une deuxième fraction dans le domaine des noms et des attributs. Ceux qu'on dit non, nous affirmons les noms mais pas les attributs. المعتزلة سماهم العلماء المعتزلة. لماذا؟ وهذا كان في زمان التابعين. Pour ça, je vous ai dit déjà dans les premières générations. Comment? Pourquoi? Parce que سماهم العلماء المعتزلة وهذا كان في زمان الحسن البصري. C'est à l'époque du grand imam الحسن البصري. Vous savez, الحسن البصري a rencontré des compagnons. Ils disent que il a rencontré, par exemple, il y avait Saïd ibn Musayyib. Par exemple, ils disent qu'il a rencontré Abu Huraira. Il a connu des compagnons du prophète, sallam. Al-Hassan al-Basri aussi. Il a vécu à l'époque de compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'époque, Al-Hassan al-Basri, kana indahu halaqat al-ilmiya, halaqat al-ilm, kana yu'allim al-nas. Donc il avait des assises comme cela. Est apparu un homme, il y avait deux hommes à l'époque, l'un s'appelait Wasil ibn Atta. Wasil ibn Atta, et il y avait un homme qui s'appelait Amr ibn Ubayd. Amr ibn Ubayd. Il y avait un homme connu qui était célèbre à l'époque qui s'appelait Wasil ibn Atta et un autre homme qui s'appelait Amr ibn Ubayd. À un moment donné, ils se sont isolés. À un moment donné, ils se sont isolés des assises, comme celle-ci par exemple, des assises du grand imam al-Hassan al-Basri. Et a'tazalou. Ils se sont mis de côté. Ou a'tazalou. Et n'ont pas assisté. Alors ils ont été appelés Al-Mu'tazila. Ila yawmina hadha Al-Mu'tazila mawjoudin. Ila yawmina hadha. Wa min usulihim wa min usulihim usul Al-Mu'tazila wa hum kuthur fi hadha al-zaman. Wa hum kuthur fi hadha al-zaman min usulihim anna al-aql muqaddim 'ala an-naql. أن العقل مقدم على النقل. Et dans leur fondement, que la raison prévaut la transmission. Prévaut la transmission. Donc ça, c'est cette tendance al-Mu'tazila, c'est ce qu'on nie les attributs d'Allah. Ensuite, est apparu plus tard d'autres fractions. Donc moi, je vous le fais en résumé. Est apparu l'Ashahira, l'Maturidiyya, l'Kullabiyya. Eux, dans le débat, ils ont dit non. Ils ont réfuté les négateurs et ils ont dit on affirme, sauf qu'ils ont interprété. Voilà, on en est là. Donc, vous comprenez, là j'ai fait un petit résumé. Vous comprenez plus tard, ensuite, eux, ils en sont arrivés à réfuter les négateurs et à interpréter. Et donc là, le Cheikh, il nous dit pourquoi, en fait, les savants anciens et les savants contemporains, pourquoi ils n'ont pas accepté la négation des attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et pourquoi ils n'ont pas accepté l'interprétation des attributs d'Allah? Pourquoi? Tous les points qu'on vient de citer. Et parmi les points, pourquoi? Parce que ça veut dire, et là on est au quatrième, donc maintenant on va avancer plus vite. Rabbi'an, au quatrième, أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ مَرْجِعًا لِلنَّاسِ فِيمَا يَعْتَقِدُونَهُ فِي رَبِّهِمْ وَإِلَيْهِمْ الَّذِي مَعْرِفَتُهُمْ بِهِ مِنْ أَهَمِّ مَا جَاءَتْ بِهِ الشَّرَائِعَ وَهُوَ زُبْدَتْ الرِّسَالَتْ. Pourquoi? Parce que si on ne prend pas le sens apparent des textes d'attributs, ça veut dire qu'en réalité, la parole du Créateur et la parole de son messager ne font pas office de référence. Ne font pas office de référence dans notre croyance concernant notre Créateur, concernant notre Seigneur. Allazi, alors que celle-ci, cette croyance-là, fait partie des choses les plus importantes avec quoi est venue la législation islamique. C'est-à-dire dans la religion musulmane, la chose la plus importante, qu'est-ce que la chose la plus importante? C'est la croyance du serviteur envers son créateur. C'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que le croyant, il adore un créateur. Qui est son créateur? Chaque jour, il se prosterne. Chaque jour, il s'incline. Chaque jour, il demande le pardon. Il invoque son créateur. Par exemple, un non-musulman te pose la question. Man Rabbuk? Qui est ton Seigneur? Si tu dis, mon Seigneur, c'est mon adoré, mais tu connais pas ton Seigneur. La personne te dira, chaque jour, tu te prosternes 5 fois par jour, tu invoques, tu fais le mois du Ramadan, tu jeûnes, tu te réveilles le matin pour la prière de l'aube, tu lis la parole de ton Créateur et tu sais pas qui est ton Seigneur. Tu sais pas qui est ton Seigneur. Si on vous pose la question, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Que répondez-vous? Qu'est-ce qui veut bien répondre? Si une personne vous pose la question, mais vous les musulmans, vous adorez qui? C'est qui votre Seigneur? Arsène? Mumtaz? Déjà, bonne réponse. Naam, man huwa. Comment peux-tu, par exemple, une personne qui n'est pas musulmane, elle s'intéresse. Elle veut connaître c'est qui ce Seigneur que vous adorez. C'est qui votre Seigneur? Comment toi tu peux décrire ton Seigneur? Sohaib. Ouais, ça c'est les signes d'Allah Azza wa Jal. Arsène, très bien, toi aussi, comme tu as dit. Parce que Huwa alladhi khalaqa, c'est le créateur de toutes choses. Et quoi encore? Je ne vais pas interroger Jimei. Il vient d'arriver. Il est tout frais. Je ne vais pas lui, tout de suite lui. À part si tu veux répondre, Jimei. Non, tu n'es pas encore. Il y a Shabab. Fil khalf. Les jeunes derrière. Parmi les choses. Comment, si on vous pose la question, Abdelhab, si on te pose la question, Men Rabbuk, vous allez à la mosquée 5 fois par jour, vous vous prosternez, Men Huwa, c'est qui ton Seigneur? Une personne qui n'est pas musulmane, elle se renseigne, elle veut comprendre, elle te dit, décris-moi, Sifli, Rabbek, décris-moi ton Seigneur. Qu'est-ce que tu décris comment? Oui, par exemple, une chose. Naam, mais tu dis, c'est qui ton Seigneur? Man Rabbuk, alladhi tasjud lahu fi kulli yawmin aqal shay 5 marrat. Aqal shay. Qu'est-ce que tu... Il te dit, Man Rabbuk. À l'époque, vous savez, ils l'ont dit au prophète. Al-Mushrikun, ja'a rajul ila an-nabi sallam qala. Al-Mushrikun Quraysh, ils ont dit au prophète, Sif lana Rabbak, man huwa. Décris-nous ton Seigneur. Oui, mais c'est qui? Comment il est? Cheikh Ayoub, Rabbak, kif huwa? Man Rabbak? Comment il est? Ils vont dire, c'est qui ton Seigneur? Si je vous dis juste un mot de départ, ensuite vous allez tous, ça y est. Allez, ça y est, vous êtes tous, ça va être le début, vous allez tous, mashallah, démarrer. Allah, si une personne me demande, man rabbuk, c'est qui ton Seigneur? Allah huwa ar-Rahman. Huwa ar-Rahim. Wahuwa wadud. Wahuwa ghaffar. Jabbar. Mutakabbir. Huwa al-Qawi. Huwa matin. Al-matin huwa. Huwa al-Karim. Dhu karam. Huwa al-Aziz. Lahu al-Izza. Yu'ti al-Izzata liman yasha. Je dis, moi, mon Seigneur, c'est le miséricordieux. Mon Seigneur, c'est le clément. Mon Seigneur, c'est le matin. Mon Seigneur, c'est le qawi. Les noms d'Allah. Pourquoi Allah nous dit dans le Coran ses noms et ses attributs? C'est pour le connaître. Allah, huwa, est-ce qu'on peut dire qu'Allah, il est mouride? Il veut. Et celui qui veut ce qu'il veut, ce qu'il désire, il le veut. Fa'alun liman yasha. C'est celui qui, lorsqu'il veut une chose, il le fait. Al-Murid laysa min asma'ihi. L'Akid, il est permis d'informer au sujet d'Allah Azzawajal par cela. Donc, c'est comme ça, il faut se servir de ses noms et de ses attributs. Après, bien sûr, j'ai connu mon Seigneur bi ayatihi. Kef arafta rabbak bi ayatihi. Al-ayat al-kawniya wa al-ayat al-shar'iya. Après, bien sûr, comment as-tu connu ton Seigneur? Comme on l'apprend dans l'usul al-thalatha. Araftu Rabbi, par ses signes, les signes universels, les signes religieux, j'ai connu mon Seigneur. Mais si on te demande, qui est ton Seigneur? Qul wallahu ahad, Allahu samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tu ne peux pas mieux décrire Allah. Qui est ton Seigneur? Allah est l'unique. Allahu samad, c'est le samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Celui qui n'a pas enfanté et n'a pas été enfanté. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et rien ne lui est semblable à lui. Vous avez vu? En fait, c'est pour vous dire que, pourquoi je vous ai posé cette question? C'est pour vous dire que le domaine des noms et des attributs est très important. C'est pour ça que regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il dit? Qala فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع. Que c'est la chose, la connaissance du Créateur, c'est la chose la plus importante qui est venue في الشرائع, dans les législations. Le fait de connaître son Seigneur. C'est pour ça qu'Allah nous informe à son sujet. Allah nous informe. Sauf que des gens sont venus. Arsène, Jamil, donc si une personne par exemple te demande qui est ton Seigneur, tu dis ça. Redis-moi les paroles. Aïd al-Kalam. Celui qui m'a créé et qui m'a guidé. C'est celui qui me donne la nourriture et m'abreuve. Et lorsque je tombe malade, il me guérit. Et c'est celui dont je désire qu'il me pardonne mes péchés le jour de la rétribution. Si une personne vous demande la description, qui est ton Seigneur? Mon Seigneur, c'est celui qui me donne ma subsistance. Celui qui m'abreuve. Mon Seigneur, c'est celui dont j'espère qu'il me pardonnera mes péchés. Mon Seigneur, c'est celui qui me pardonne lorsque je demande. Tout ça, c'est la connaissance d'Allah. Pourquoi je vous ai dit cela? Parce que l'auteur dit, la chose la plus importante qui est vue dans la législation, la connaissance du Créateur. Alors plus tard sont venus des gens qui ont dit, Allah la yitkallam. Allah la yastawi ala arshi. Allah, ils ont dit, il ne parle pas. Allah ne s'est pas élevé au-dessus de son trône. Allah n'aime pas. Allah n'agrée pas. Allah la yarda. Allah la yuhib. Allah la yurid. Ils ont commencé à dire, Allah ne veut pas. Allah n'aime pas. Allah n'agrée pas. Allah ne se réjouit pas. Allah ne fait pas telle chose. Allah ne fait pas miséricorde. Allah ne fait pas clémence. C'est ça le sens de nier les attributs d'Allah. Les savants, depuis les premières générations jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un grand débat, on dit non. Kif, comment cela? Et ils ont dit, non, Allah ne parle pas. Pourquoi Allah ne parle pas? Alors dans le Coran, il nous a dit, « وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا » Allah a parlé à Moussa, le prophète Moussa, alayhi salam. Dans un autre verset, Allah dit, « وَكَلَّمَهُ رَبُّ » Et son Seigneur lui a parlé. Comment le Seigneur ne parle pas? Alors ils ont dit, si vous dites que le Seigneur parle, alors vous faites ressembler le Créateur à la créature. Qu'est-ce qu'on répond? Laysa kamithlihi shay wa huwa as-samir al-basir. Allah dit, il n'y a rien qui est semblable à lui, il est certes as-samir al-basir, l'audient, le clairvoyant. Subhanallah. Et en plus Allah, lorsqu'il dit, il n'y a rien qui est semblable à lui, et il dit, il est certes as-samir al-basir, c'est l'audient et le clairvoyant. Bimana Wassamir wal basir lakin laysa kamithlihi shay. Allah parle. Aynaham. Comment? Allahu a'lam. On ne sait pas. Mais Allah, il nous a dit qu'il parle. Le sens apparent du texte, c'est qu'Allah parle. Comment? Allahu a'lam. On ne sait pas. Et on n'a pas le droit de s'imaginer. La yajouz. Mais, est-ce que, par exemple, une personne peut dire, Allah ne parle pas? C'est ça, ta'til, la négation. Non, parce que s'il dit Allah la yatakallam, il dit le contraire de ce qu'Allah dit dans le Coran. Allah dit wa kallam Allahu Musa takliman. Allah dit qu'il a parlé à Moussa. Dans un verset, Allah dit hatta yasma'a kalam Allah. Jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. La parole d'Allah. Donc Allah parle. Donc une personne ne peut pas dire qu'Allah ne parle pas. Taïb. Un autre peuple est venu, ils ont dit non. On affirme qu'Allah sifat al-kalam, l'attribut de la parole. Mais ils ont dit, al-kalam, ça a un sens. C'est pas le sens que tu penses. Alors on dit, c'est quoi son sens? Ils ont interprété, ils ont dit, en fait, la parole, c'est tel et tel sens. Ils ont interprété. Les savants ont posé la question, qui est-ce qui a dit ça? C'est le prophète, en salam, qui a dit que al-kalam, c'est dans tel sens? C'est ses compagnons? Non. Si le prophète alors n'a pas dit ça, que la parole c'est dans tel et tel sens, ses compagnons ne l'ont pas dit, les imams des premières générations ne l'ont pas dit, ça veut dire qu'ils ne savaient pas? Ils ont dit si, ils savaient. Alors s'ils savaient, pourquoi ils ne l'ont pas dit? Donc, qu'est-ce qui nous reste? De prendre le texte comme il est venu, c'est ça l'apparence du texte, de prendre le texte comme il est venu, sans se poser la question du comment. Comment Allahu a'lam. Sans an al-insan yatakhayyal kayfiyat as-sifat. Non, on ne sait pas. Allah yatakallam, na'am, lahu sifat al-kalam, lakin kayf kayfiyat al-kalam la nadri. Allahu a'lam. Ça on ne sait pas. Si on a compris ça, c'est pour ça que l'auteur dit alors que en fait, celui qui ne va pas prendre le sens apparent du texte, il contredit la parole d'Allah et de son messager. Il contredit la parole d'Allah et de son messager dans ce quatrième point. Regardez, il dit dans une traduction plus relative, du quatrième point, la parole d'Allah et de son messager ne constitue pas une référence sur laquelle les gens s'appuient pour connaître ce qu'il faut croire au sujet de leur Seigneur et d'Allah, sachant qu'une telle connaissance, c'est ça que je vous expliquais, pour cela on s'est posé des questions. Sachant qu'une telle connaissance est le point le plus important contenu dans les religions révélées. Le point Regardez, sachant qu'une telle connaissance est le point le plus important contenu dans les religions révélées. Toutes les législations, parce qu'il a dit les législations, c'est lorsqu'il dit les législations, les savants disent les législations, c'est-à-dire toutes les religions, enfin c'est une seule religion, mais tous les messages précédents de tous les prophètes, le message du prophète Issa, connu dans d'autres traditions par Jésus, Moussa, connu dans d'autres traditions par Moïse, tous ces messages-là, regardez ce qu'il dit, la connaissance est le point le plus important contenu dans les religions révélées. La connaissance, quelle connaissance? Connaissance d'Allah. C'est ça le but, nous. Dans cette vie d'ici-bas, il faut connaître Allah, qui est notre Seigneur. Et c'est ça qui, ensuite, nous mène à une bonne pratique de la religion. Une bonne pratique de la religion, connaître son Créateur. Parce que plus on connaît Allah, plus on va, traduction relative des sens du verset, estimer Allah sa juste valeur. Parce qu'Allah nous dit dans un verset, « وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِي » et n'ont pas estimé Allah sa juste valeur. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le Créateur, ne connaissent pas Allah. Et lorsqu'on connaît Allah, on va l'estimer à sa juste valeur. C'est pour cela que quand on n'apprend pas aux musulmans, dès leur plus jeune âge, que leur Créateur il est miséricordieux, que leur Créateur c'est le grand pardonneur, que leur Créateur, Al-Wadud, Al-Aziz, Al-Khabir, le bien informé, on n'apprend pas les noms et les attributs depuis qu'on est jeune. Alors c'est pour ça que parfois, même dans l'éducation, on va avoir des manquements dans l'éducation. Par exemple, parfois, le père, il va éduquer par exemple ses enfants à une chose, ne fait pas telle et telle et telle bêtise, de sorte qu'ensuite les enfants vont craindre les parents. Vont craindre les parents. Et par exemple, ils vont leur apprendre des bonnes moralités, des bonnes valeurs, ils vont leur apprendre, mais eux, ce qu'ils vont leur apprendre aussi, fait pas telle et telle bêtise. Ils vont apprendre la crainte des parents. Mais lorsque les parents ne sont pas là, ils n'auront pas inculqué la crainte du Créateur. Donc lorsque les parents ne sont pas là, ils font les bêtises. Tandis que si, depuis l'apprentissage de la religion, on apprend qu'on a un Créateur qui voit tout, qui entend tout, mais il est miséricordieux, et on apprend à connaître notre Créateur, on voit que le musulman, ça va l'aider à la sincérité et ça va l'aider à ce qu'on appelle muraqabatullah. Lorsque je suis pieux, je n'essaye pas d'être pieux pour toi ou pour plaire à une personne ou parce que c'est telle personne qui me le dit, mais j'essaye d'être pieux parce que je sais que j'ai mon Créateur qui me voit constamment, qui m'entend constamment. Si par exemple, on m'a inculqué de ne pas mentir. Par exemple, les parents disent à l'enfant, attention, si tu mens, je t'attrape, mentir, tu seras puni. L'enfant ne va pas mentir devant ses parents. Mais il faut inculquer le fait que le mensonge, c'est pas bien, et puis que même si je ne suis pas là, il y a un Créateur qui nous voit mentir. Il ne faut pas. C'est pas bien. Et c'est ça l'histoire qu'on a à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Lorsqu'il marchait, il était calife, il marchait dans la ville. Et il y avait une mère qui était avec sa fille. Et lorsqu'il passa, il entendait la mère qui débattait avec sa fille. Et la mère était en train de tricher dans la mesure du lait. Dans du lait, elle était en train de tricher dans la mesure du lait. Et là, la fille a dit à sa mère, « Oumi, le prince des croyants, Emirul Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, il a interdit de faire ça, là, ce que tu fais. » Mais ils étaient chez eux. Pensez pas que Omar passait par là, allait les entendre. Alors la mère, elle a dit, Omar ibn al-Khattab, il est pas là, il nous entendra pas, il sait pas. Et là, la fille, elle a dit à sa mère, oh Oumi, oh maman, ou plutôt Omer. Omer, traduction plus littérale, Omer, sache que si le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, il ne le sait pas, sache que Allah le sait. Même si lui, oui, il sait pas, mais Allah le sait. Tu triches dans la mesure du lait. Et Omar, lui, il était passé. En fait, il l'a entendu. Il a entendu la fille dire ça. Alors Omar, il est rentré chez lui. Et lorsqu'il arriva chez lui, il a placé ses fils. Ses garçons sont venus. Il a dit, « Abnaï, oh mes garçons, qui est-ce qui veut se marier qu'une fille pieuse? En fait, lorsqu'il a entendu cette fille dire à la mère, regardez l'éducation, « Oh ma mère, Ummi, sache que si Omar ibn Khattab ne sait pas ça, Allah le sait. » Alors il a dit à ses garçons, « Qui est-ce qui veut se marier avec une fille pieuse ?» Avec une fille. Un de ses fils a dit, « Moi, Wahbi. » Et ensuite, Omar, il a marié son fils à cette fille. Et vous savez, de ce mariage-là, il y a eu un enfant, et ensuite, de cet enfant-là, il y aura la naissance du grand pieux, regardez la baraka, Omar ibn Abdelaziz. Le meilleur dirigeant de la dynastie de l'empire Omeyyade. L'homme qu'ils ont dit, c'était son califat à lui, c'était le califat qui, son gouvernat, celui qui ressemblait le plus au gouvernat des compagnons du prophète, jusqu'à ce qu'ils disent qu'il y avait la paix, l'abondance, la baraka à son époque. Jusqu'à ce que certains l'ont considéré dans certains livres comme le cinquième calife. Comme le cinquième calife. Alors qu'il vient après lui. Et il est dit à son époque, il est dit qu'à son époque, tellement les gens, ils étaient pieux, et tellement la vie, elle était en harmonie, tellement les gens, ils donnaient la zakat, que le gouverneur Omar ibn Abdelaziz, il disait tellement dans Bayt al-Mal al-Muslimin, dans la trésorerie, puisque les gens plus riches donnent de leur zakat pour les plus pauvres. Tellement ça avait prospéré, et il y avait, alors, à cette époque, il y avait des appeleurs qui disaient que ceux qui ont des dettes qui viennent, et la trésorerie, elle va payer les dettes des gens. Que ceux qui n'ont pas accompli le pèlerinage qui viennent, et la trésorerie, Bayt al-Mal al-Muslimin, la trésorerie des musulmans, cette trésorerie-là, qui est faite pour les pauvres, elle va payer le pèlerinage. Elle va payer le pèlerinage de ces gens. Jusqu'à ce qu'il était même dit à l'époque, et que tous ceux qui ne sont pas mariés, les shabab, les jeunes qui ne sont pas mariés, qui viennent, Bayt al-Mal al-Muslimin, et leur mariage sera payé. Tellement c'était, ça avait prospéré. C'est pour ça là, et tout ça, c'est dû, ce qu'on a cité précédemment, à la connaissance du Créateur. Regardez cette histoire que certains savants relatent. Ça, c'est plus tard. Et certains savants relatent l'histoire. On avait déjà mentionné, fi khutbatul jumu'ah, même différentes assises, on avait mentionné cette histoire. Un jeune homme, un jour qui se retrouve avec sa mère chez le médecin. Et le médecin, le docteur, constate que la mère se comporte mal avec son enfant. Et elle l'insulte. Et elle l'insulte, l'enfant. Et elle lui dit, mais va-t'en, tu n'es pas mon fils. Et le médecin, il se rend compte que la mère, en fait, elle ne reconnaît pas que ce garçon-là, c'est son fils. Elle ne reconnaît pas. Et elle l'insulte. Jusqu'à ce qu'il ait dit dans l'histoire, et savoir lorsqu'il la relate, il est relaté que, il est même dit que cette dame-là, elle lui crachait dessus. Elle crachait sur l'enfant. Et en lui disant, mais va-t'en, tu n'es pas mon fils. Mais lui, toujours, il restait, il s'occupait d'elle. Alors, Tabib, il est étonné. La mère qui insulte l'enfant, qui le chasse, qui lui dit de partir, elle lui dit, t'es pas mon fils. Même jusqu'à cracher dessus, mais malgré tout, le fils, il reste. Alors le médecin, il dit, il comprend pas. Il dit à l'enfant, mais qu'est-ce qui fait que tu restes? Pourquoi tu es toujours à son service? Et là, l'enfant, il dit, c'est ma mère. Et il dit, et ma mère, si elle me demande même que je l'emmène faire la Umrah, que je l'emmène au pèlerinage à la Mecque, je l'emmène. Tout ce qu'elle me demande, je lui fais. Tout ce qu'elle me demande. Alors le médecin, il dit, il est étonné. Il dit, mais Kaif, comment tu fais ça? Elle ne reconnaît pas. Et lui dit, mais c'est ma mère. Et si elle ne reconnaît pas que c'est ma mère, Allah sait que c'est ma mère. Donc l'enfant, c'est quoi cette force qui le pousse à être bienveillant envers sa mère? Pourtant, comme le tabib lui dit, mais elle sait pas que tu es sa mère. Mais lui, il dit, si elle ne sait pas que c'est ma mère et que je suis son fils, Allah, il sait. Donc lui, en fait, il est sincère. Il fait ça pour son créateur, subhanahu wa ta'ala. Parce que même si elle est malade et elle ne sait plus que c'est son fils, Allah, il sait lui. Et tout ça, c'est dû à quoi? à la bonne connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous comprenez pourquoi déjà dans les premières générations, Iblis, Shaitan, est venu aux gens, Shaitan, comme il n'a pas laissé les communautés précédentes, il n'allait pas laisser les musulmans. Alors dans les premières générations, il est venu et il a attaqué les musulmans dans leurs croyances. Jusqu'à ce que, ensuite certains, pour eux, Allah n'a pas de nom, Allah n'a pas d'attribut, donc Allah n'est pas le miséricordieux, Allah n'est pas le clément, Allah n'est pas le grand pardonneur, Allah n'est pas, il n'a pas la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Shaitan, il a attaqué les musulmans tout de suite dans leurs croyances, après certaines questions, il a abouti, d'abord, il y avait des questions sur la foi, sur l'iman, sur le qadar. Ensuite, ça, le débat, ensuite, il les a menés vers l'essence même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a échoué. Une partie de gens l'ont suivi. Mais pourquoi j'ai dit il a échoué? Il a échoué de sorte que ce n'est pas tout le monde. Et il n'a pas dénaturé et altéré la croyance des musulmans. Pourquoi? Parce que depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a yaoumina hadha, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des musulmans qui ont la même croyance et qui apprennent la croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée. Et ça, c'est l'un des plus grands bienfaits. Près de 15 siècles après, les musulmans, alhamdoulilah, une grande partie des musulmans, apprennent la croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée, sans qu'elle ait été falsifiée, dénaturée. Alhamdulillah. Après, ça n'exclut pas qu'il y a eu des fractions. Le prophète, dans un hadith, il dit « Ma communauté va se diviser en 73 fractions. »« Thalath wa sab'ina firqa. » Le Nabi Zazam, il dit « C'est aftarik hadhi l'umma ala thalath wa sab'ina firqa. »« Kullaha finar illa wahida. » Ma communauté va se diviser en 73 fractions. « Kullaha finar, tout sur le feu, sauf une. »« Illa wahida. » Et donc, il va avoir l'apparition d'extrémistes. Il va avoir l'apparition de gens qui vont faire de l'excès dans la religion, qui vont faire du mal, qui vont mal comprendre. L'apparition de gens qui vont prêcher autre, l'inverse que le prophète ensemble, prêchait. Mais le prophète dit, il y aura toujours une sans la bonne croyance. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. On va se quitter sur ça. En tout cas, ici, c'est un rappel sur l'importance d'apprendre la croyance comme elle nous a été enseignée à l'époque du prophète. Donc le prophète, lisez ces versets. Ar-Rahman ala l'arshi istawa. Il lisait les versets, le tout miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône. Est-ce que les compagnons ont déjà demandé Ya Rasulallah, ça veut dire quoi? Istawa ala l'arshi. Non. Est-ce qu'ils sont rentrés dans ce sujet? Non. Ils ont accepté le verset, le tout miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône. Ils n'ont pas posé de question du comment. Ils n'ont pas posé la question. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on ne se pose pas la question. Comment Allah s'est établi au-dessus de son trône? Allah l'a dit, Wallahu a'lam, on ne sait pas. Le comment, on ne sait pas. Le sens, on le connaît. Le sens, c'est que Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Allah nous dit, wa huwa al-ali wa al-qahiru fawqa ibadi. Il est celui qui est au-dessus de toutes ses créatures, de ses serviteurs. Allah, il est au-dessus de tout. Subhanahu wa ta'ala. Il est au-dessus de son trône. Et comme cela, c'est ça le fait dans le domaine des noms et des attributs divins, de prendre, c'est ça le fait, le sens apparent du texte, sans s'imaginer le comment. Le prophète en ça nous dit, pour terminer, qu'Allah, au dernier tiers de la nuit, descend au premier ciel. Plus tard, des tendances, des courants de pensée sont apparus. Ils ont dit, mais comment? Allah, il ne peut pas descendre au premier ciel. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ils ont dit, on ne peut pas accepter ça. Pourquoi ils n'ont pas accepté ça? Parce qu'ils ont dit, notre raison ne peut pas concevoir cela. Ne peut pas accepter que Allah Azza wa Jalla descend au premier ciel de la nuit. Or, qui est-ce qui a dit qu'il y en a descend au premier ciel de la nuit? Au premier ciel, au dernier tiers de la nuit. C'est le prophète, et le texte, il est authentique. les compagnons, eux, ça ne leur a pas posé de problème. Pourquoi? Parce qu'on entend la parole du prophète, mais on ne cherche pas comment. Puisqu'on ne sait pas comment et on ne s'imagine pas. Sauf que Allah descend au premier ciel et il dit au dernier tiers de la nuit, et il dit, qu'est-ce qui me demande que je lui donne? Qu'est-ce qui me demande le pardon que je lui pardonne? Qu'est-ce qui m'implore que je l'exauce? Après, comment est-ce qu'il descend au premier ciel? Allahu a'lam. On ne sait pas. Comme il convient à sa majesté. Sauf que les tendances qui sont venues plus tard, eux se sont posé la question du comment. Eux, ils se sont demandé, mais comment? C'est pas possible. Et du fait qu'ils se sont imaginés comment, c'est ça qui les a menés à nier et ensuite à interpréter. Sinon, si on comprend ça, cette règle-là, le musulman il va, et la musulmane ils vont être apaisés. À chaque fois qu'ils vont lire le Coran, à chaque fois qu'ils vont lire les hadiths du prophète, en salam, ça ne va pas leur poser de problème. Ça ne va pas leur poser de problème. Regardez. Par exemple, c'est pour ça que ce sujet, on ne peut pas le taire. Parce que certains diront, mais pourquoi on parle de ça? Mais c'est important parce que chaque jour, on lit le Coran. Il y a un verset où Allah dit à Iblis, comme on l'avait mentionné dans les assises précédentes, il dit à Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lima khalaqtu bi yaday? Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour celui que j'ai créé de mes deux mains? Le musulman, par exemple, lui, qui apprend bien sa religion, lorsqu'il lit ce verset, ce passage du Coran, bima khalaqtu bi yaday, pour celui, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour celui que j'ai créé de mes deux mains? Ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Cet attribut-là, les deux mains, c'est comme il convient Allah. C'est incomparable avec les créatures, les êtres humains. On ne sait pas. Mais Allah, il a dit « Bima khalaqatu biyadei ». Tout simplement. Personne qui n'apprend pas, qui ne connaît pas, il va avoir un problème. Il va être perturbé. Il dit « Bima khalaqatu biyadei ». Kayfa hada? Alors ensuite, certains, ils ont abouti à dire « Non, c'est un attribut, on ne peut pas l'accepter. » Et donc, ils ont commencé à interpréter. Donc, ils ont dit « Ma'na sifat al-yad », le sens de l'attribut de la main, c'est « al-quwa », la puissance. Ils ont dit « La main, en fait, c'est le quwa, la puissance. »« Wa al-ni'ma », elle est bien fait. Taïb, donc c'est quoi? Ça s'appelle une interprétation. Sahulala. C'est une interprétation. Sauf que l'interprétation ta'wil al-Qur'an, c'est pas interdit. On est d'accord. Puisque depuis les premières générations, le prophète expliquait les versets. Donc interpréter le Coran, c'est pas interdit. Sauf que là, on est dans un verset d'attribut. C'est un attribut d'Allah qui est mentionné. Lima khalaqtu bi yaday. C'est un attribut d'Allah qui est cité. Donc là, les savants disent les attributs, on ne peut pas les interpréter. Pourquoi? Parce que celui qui dit que Al-Yad, c'est dans le sens de Al-Quwa, la force, ou bien le bienfait. Ben, il faut qu'il rapporte une preuve. C'est qui a dit que Marna Al-Quwa? Si on n'a pas de preuve, est-ce qu'on est sûr que le sens, Allah, il a voulu, le sens de ce verset, Allah, il a voulu que le sens de la main, c'est le Quwa? On n'est pas sûr. Donc, on ne peut pas dire une chose où on n'est pas sûr. Vous comprenez? C'est pour cela que les savants, depuis les premières générations, ils ont dit les attributs d'Allah, on ne peut pas les interpréter. Donc, on croit comme c'est venu et on ne va pas plus loin. On ne va pas plus loin. Quand Allah il dit « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour celui que j'ai créé de mes deux mains ?» On lit le verset, on comprend comme c'est venu et on ne va pas plus loin. On n'a pas le droit de débattre sur ça. On ne va pas plus loin. On croit en l'apparence du texte. Allah il a créé les créatures Adam de ses deux mains. Comment Allahu a'lam. Kama yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque les gens commencent à s'imaginer des choses, on commence à vouloir débattre sur cela, C'est là qu'ensuite ils étaient obligés soit de nier, soit d'interpréter, soit de falsifier, soit de spéculer. Et on ne peut pas philosopher sur l'aisance même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum. Si vous avez une question, n'hésitez pas, inshallah. Sinon, alhamdulillah.